Donc, comment est né ce jazz club? Eh bien, dans les années 80, oui, bien avant, j'étais administratrice d'une MJC, la MJC Terre-Neuve à Dunkerque. Et à cette époque-là, il y avait un festival de jazz qui était géré par des bénévoles et qui faisait venir tous les grands artistes américains de l'époque. On en a vu de magnifiques, hein, Ella Fitzgerald, enfin tous ces grands noms du jazz, on les a eus à Dunkerque. Et moi, j'étais passionnée parce que ben, j'avais découvert le jazz, mais très tard. J'étais étudiante, enfin j'étais lycéenne quand j'ai découvert le jazz avec Armstrong et Béchette. Mais franchement, ça m'a... Moi qui faisais beaucoup de musique classique, j'étais pianiste, et ça m'a capté, je n'en revenais pas de découvrir une musique où il y avait de l'improvisation. Voilà, je sentais, quand moi je jouais des morceaux classiques, ben, il y avait une partition, pas d'improvisation du tout. Et là, je disais, il y a autre chose dans cette musique, c'est fabuleux, chacun ben, joue. Et je sentais que ça venait d'eux et non pas d'une partition. Alors, je me suis intéressée à cette musique. On m'a dit, ça s'appelle du jazz. Me suis abonnée à la guilde du jazz et j'étais passionnée. J'écoutais les disques. J'étais jeune étudiante. Mais alors là, j'en ai avalé de la musique de jazz, de tout ce qui existait. Et alors, ce festival de jazz à Dunkerque s'est cassé la figure. Voilà. Il n'y a pas eu d'autre mot. Il y a eu une forte inflation au niveau des transports parce que ces musiciens américains arrivaient par avion et ça a pris une extension financière. Ils ne pouvaient plus payer la venue de ces artistes américains. Donc, le festival s'est arrêté. Et moi, j'étais administratrice donc à la MJC Terre-Neuve. Et il y avait une petite salle au sous-sol. Et moi, je disais, c'est dommage, il y a un beau festival qui existait. Pourquoi on ne ferait pas un petit club de jazz, voilà, pour inviter les musiciens régionaux, les musiciens nationaux. Et ben voilà, à force de persévérance, j'ai réussi à trouver une petite équipe avec moi. Et on a dit, on occupe la salle du sous-sol et on essaye de faire un concert. Et donc, j'ai appelé les musiciens qui étaient venus tout à fait à la fin du festival. C'est-à-dire, il y avait Henri Texier, il y avait Louis Clavis, il y avait Glenn Ferris, enfin des gens qui sont venus les derniers au festival de Dunkerque, après les Américains. Et moi, je les ai appelés, j'ai dit, voilà, nous, on a envie de vous faire un petit club, est-ce que c'est possible que vous veniez ben, pour pas grand-chose, parce que on n'avait pas de budget, on n'avait rien. Et on avait à l'époque, je le dis, un maire qui ne donnait absolument aucune subvention à la MJC. Donc, il ne fallait pas compter sur l'aide de la ville. Et on a pleurniché, on a dit, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu? Enfin, les gens nous aidaient. Et les musiciens ne se faisaient pas payer. Ils sont venus plusieurs fois, comme ça, faire un... Et alors, bah, c'était un tout petit lieu où on n'avait pas de matériel, on avait un vieux piano, pas de sono. Enfin, c'était vraiment un début très, bah, très pauvre pour accueillir les artistes, les grands musiciens qu'on accueillait. Et franchement, on les voit encore, hein, ces musiciens qui sont... Texier, il est encore venu l'an dernier, et puis il est venu il y a 2 ans. Et on continue à les inviter, ils sont toujours là, et même il approche des 80, Texier, mais il vient encore au Jazz Club de Dunkerque. Ah, parce qu'on a tellement de souvenirs ensemble que voilà. Donc ce petit lieu a existé et bah, c'était. Je vais raconter des petites anecdotes. Par exemple, on n'avait pas de sièges, on avait des sièges de camping avec le dos en toile et les gens, quand ils venaient, ils mettaient leurs vêtements sur le dossier. Ils se rhabillaient en partant sans trop bouger, si bien qu'ils mettaient le manteau, mais il y avait le siège qui était resté dans le manteau et ils embarquaient les sièges sans s'en rendre compte. On se retrouvait avec des chaises sans dossier. Et enfin, on a vécu des choses un petit peu. C'était héroïque, on va dire. Il y avait des. À l'extérieur de la salle, je sais que mon mari allait voir si tout allait bien au niveau de l'électricité. Et parfois, il revenait, il disait, il y a des étincelles, mais ça va peut-être tenir jusqu'à ce soir. Mais bon, c'était vraiment folklore. Il n'y avait pas d'autre mot. Mais voilà, les gens, il y avait un bar, on pouvait boire un pot. Tout ça, c'était petit, rudimentaire, mais c'était chaleureux. Les gens se retrouvaient. On écoutait des bons musiciens qui venaient nous aider aussi. Enfin, ça a démarré comme ça. Et alors, bon, après, on a eu. Ça, c'était donc en 83. Voilà, à l'origine, c'était donc une activité de la MJC. Ça faisait partie de la MJC. Donc, on avait quand même l'aide de la MJC, un petit peu, mais il n'y avait pas de moyens. Alors, après, le maire, enfin, je sais qu'on a eu un autre maire, qui était Michel Delebarre. Tous les gens de la culture se sont rassemblés pour faire du porte-à-porte, pour éliminer l'autre maire qui voulait rien, rien, absolument pas nous aider, rien nous donner. Et tant qu'on n'avait pas l'aide de la municipalité, on ne pouvait pas aller chercher l'aide ailleurs, c'est-à-dire à la DRAC, à la région. Voilà. Alors, puis Michel Delebarre arrivait, il était prêt à nous aider. Donc, on s'est tous monopolisés et il a été élu. Si bien que tout a changé à Dunkerque, ça c'est vrai, et que on a eu une subvention de la ville. Et avec ça, ben voilà, j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allée voir la DRAC, la région, le département. Puis je suis allée plus loin, je suis allée à Paris pour avoir de l'aide de la SACEM, l'aide aussi de la Spedidam. Enfin voilà, tout ça, c'était à partir de l'aide de la ville. Et bon, alors on a créé ce projet de faire tous les mois, d'inviter un groupe et de le faire jouer 3 jours de suite. Et comme les groupes venaient de partout en France, eh bien, ça les intéressait beaucoup de venir 3 jours d'affilée, plutôt qu'un soir à Dunkerque, parce qu'il fallait faire le trajet. Donc 3 jours, et puis bon, ils étaient hébergés chez des particuliers, chez des gens qui. On n'avait pas de moyens. Après, on a eu un local sur la plage, qui servait aux surveillants de plage l'été. Et donc, nos musiciens pouvaient être hébergés dans ce. C'est pas un appartement, mais c'était un lieu qui accueillait les surveillants de plage l'été, même les CRS l'été. Oui, et c'était aussi un petit peu un poste de police. Et je pense à ça parce que on a eu aussi des musiciens noirs qui sont venus. Et quand on les amenait vers leur logement pour 3 jours, les musiciens noirs qui n'étaient pas très en règle forcément, ils voyaient police et ils ne voulaient pas rentrer. Ils avaient une trouille bleue d'entrée. Ils ne voulaient pas, ils ne voulaient pas. Et on les persuadait doucement, sûrement. Et finalement, ils se rendaient compte que c'était un lieu d'accueil, quoi. Un lieu avec... Ils pouvaient cuisiner, ils pouvaient dormir. Enfin, ça se passait bien. Mais ce n'était pas toujours facile. Alors bon, qu'est-ce que je peux encore vous raconter sur le démarrage? Ça a été dur. Mais bon... On a eu une bonne, enfin comment, un bon public fidèle qui nous soutenait, et donc on a pu faire une programmation qui a attiré de plus en plus de monde. Mais c'est vrai que c'était très petit, ce lieu, très très petit. C'était un sous-sol très chaleureux, hein, très convivial. Il y avait un bar, il y avait, mais la sécurité n'était pas respectée, ça c'est sûr. Donc il fallait qu'on songe à faire autre chose ailleurs, mais ça n'a pas été facile du tout. En tout cas, si on parle de l'évolution du Jazz Club, on a donc démarré en 83, et c'est en 2001 que, oui, non, même avant 2001, je sais que les musiciens, il y a eu dans le journal Jazzman, Jazz Magazine, il y a eu une enquête faite auprès des musiciens de France sur les lieux de jazz. Et le Jazz Club a été élu premier club de jazz par les musiciens, surtout pour l'accueil. Et forcément, on les accueillait 3 jours. Et en 3 jours, on se voit beaucoup, on se rencontre beaucoup. Et puis, ce n'est pas du tout la même chose pour eux non plus. Quand ils jouent ailleurs, il n'y a pas de lieu qui font ces 3 jours. Et ils existent depuis 83, ces 3 jours. Mais il n'y a pas d'autre lieu, ni en France, ni nulle part ailleurs. On a un musicien qui s'appelle Paul Lai, un pianiste, qui a fait des recherches dans le monde entier. Il m'a dit... Il n'y a aucun lieu qui fait, comme vous, 3 soirs de suite, le même groupe, dans le même lieu. Alors bon, c'était un plus pour nous, mais on a été élus les premiers clubs de jazz en France par les musiciens. Alors ça, c'était très chaleureux. Après, on a eu mon mari et moi, le Django d'or. Spécial, c'était une récompense attribuée aux personnes qui faisaient une action particulière pour le jazz, en faveur du jazz. Tout ça, ça nous a donné envie de continuer. On voyait que ce qu'on faisait, c'était apprécié, et surtout par les musiciens, mais aussi ailleurs, dans les structures plus importante.